Tout de suite, sur France Culture, une proposition de Perrine Kervran avec Marie-Vonne Abolivier, LSD, la série documentaire. 55 minutes de radio coups humains, un thème et 4 épisodes à 17h et même à 23h. Cette semaine, on rediffuse « La Pologne et le féminisme », une série de Joanna Grozinska réalisée par Nathalie Battus. Au départ de cette série, il y a 100 000 femmes à Varsovie en 2016, sous des parapluies avec un cintre à la main. Il y a aussi un régime autoritaire et nationaliste qui s'attaque aux droits des femmes et à l'avortement. Et un pays catholique venu à bout du communisme, peut-être au détriment du féminisme. Mais il y a toujours eu des femmes déterminées. Alors pour commencer, les personnages, des féministes, des bénévoles pleines d'imagination, des militantes d'avant-guerre, une écrivaine, une chanteuse et une poétesse. Ensuite le décor, la misogynie, l'église, un numéro vert, la maternité, la clandestinité, des drones, des répondeurs, des tribunaux et le souvenir du ghetto de Varsovie. Aujourd'hui, 3e épisode, ça commence par une chanson. Pelvic inflammatory disease, an infection to the female reproductive organs that cause irreversible damage to the uterus, ovaries, and fallopian tubes. She suffers from pain, urination, fever, nausea, and vomiting up to the moment of her death. The insulin overactive. An ache in the arms of Venus leads to a large colonic. That's how girls all over the world stop complaining at the lovely gift of diaries. Boję się, że nie wspomnię, nie zostanie. And participate in a global discourse of legitimate history. But personal journals and notebooks were very different in content, but extremely similar in shape, which was more inviting. It took two sisters and a brilliant mind, also the scholar Harold Scott to design a new diary with a sense of love. This helped make the distinction. Zimno tak, gdy do pracy rano wstaję, boję się, że nic po mnie nie zostanie. Je crois que l'état de partie des femmes est tel comme l'état des femmes en Pologne. Ça veut dire presque nul. Le Parti des femmes était créé quand j'ai entendu à la radio qu'un des ministres veut condamner les femmes à la peine de mort. Comment? Il a décidé que même la grossesse, qui est dangereuse pour la vie des femmes, doit porter jusqu'à la fin. C'est la condamnation. Le Parti des femmes était créé. Après 10 ans, on a fait la même chose. Il y avait l'initiative Pro-Life, de mettre la grossesse des femmes plus importante que la vie des femmes. Tu dois naître même si tu étais violée, même si un enfant est handicapé horriblement, il ne peut pas survivre, et même si la grossesse est dangereuse pour ta vie. Après de ça, les femmes en Pologne se mobilisaient dans la rue et cette loi était rejetée. Mais qu'est-ce que ça veut dire pour moi? Si tu réfléchis bien, parce que je crois que la Pologne, c'est abattoir pour les femmes. Seulement si ta vie, abattoir, je n'y ai, seulement si ta vie est posée en question, les femmes se mobilisent. Ta vie exacte, physique, mais ta vie quotidienne, tes droits, ça veut dire rien. Et quand une femme très courageuse, jeune, chanteuse, a dit publiquement, Natalia Przybysz, et elle a dit, j'avortais, mais pas en Pologne, parce que c'est pas légal en Pologne. Je l'ai fait dans le pays, en Slovaquie à côté. La plupart des femmes qui a participé dans les marches noires a dit, ah non, non, non, non, non. Elle a fait une chose horrible, nous ne sommes pas comme elle. Qu'est-ce que ça veut dire? Vous n'êtes pas pour le choix libre? Vous défendez seulement votre vie, pas le choix, pas la liberté. Vous n'êtes pas solidaire avec les femmes qui vont vivre normal. Ça, la différence. Et c'est très difficile en Pologne. Przesen, ten głupi sen, kochali się, stracili sens. Manuela Gretkowska, écrivaine, scénariste, connue pour ses collaborations avec Andrzej Żuławski et ses livres érotiques et cérébraux comme Le cabaret métaphysique qui met en scène une héroïne aux deux clitoris, vient de nous donner son sentiment sur la situation politique polonaise. Les femmes engagées polonaises ont plusieurs cordes à leur arc. Manuela a fait campagne au sein d'un parti qu'elle a créé, le Parti des Femmes. Anna Blumstein, sociologue et fille d'opposants, éduquée en France, porte, elle, un regard critique sur une société qu'elle a redécouvert à l'occasion des événements de l'automne 2016. Oui, il y a forcément un mouvement féministe en Pologne, sauf que je dirais pas que ce mouvement féministe, il est vraiment représenté par Czarny Protest, donc le mouvement de protestation noire, la manif noire, enfin la grève qui a eu lieu le 3 octobre 2016. Je dirais que le mouvement féministe en Pologne, avant, c'était quand même principalement un mouvement d'activistes. On peut pas vraiment dire que c'est un mouvement social de masse. Jusqu'à Czarny Protest, c'était pas le cas. C'était un mouvement formé par des institutions et des groupes assez divers. Il y avait quand même des ONG assez actives et assez reconnues. Il y a quand même la fondatrice et la directrice de la Fédération pour les droits reproductifs que vous avez rencontrée, qui a été élue à l'Assemblée nationale en tant que députée. Donc il y a quand même une femme transsexuelle qui a été aussi élue à Cracovie. Donc ce mouvement avait des personnes assez quand même prominentes dans la vie publique et dans la vie politique polonaise. Donc il y avait ces ONG, il y avait des mouvements, des groupes activistes un peu plus, je dirais, radicaux aussi, qui étaient assez connus et reconnus. Et puis il y a, depuis le début des années 2000, cette manifestation du 8 mars pour les droits des femmes, qui a toujours été le symbole de ce mouvement et qui rassemble chaque année toutes les mouvances, même si autour de cette manifestation, de son organisation, autour de quel thème elle doit chaque année s'organiser, il y a toujours eu, ou en tout cas depuis la moitié des années 2000, il y a eu des conflits, justement pour savoir si ça devait être une manifestation plus mainstream ou plus radicale. C'est-à-dire que le problème de l'interdiction de l'avortement, c'est un problème économique. C'est-à-dire que les gens de la classe moyenne ou les gens des classes favorisées n'ont aucun problème pour se faire avorter dans ce pays. Par contre, c'est quand on n'a pas accès à des contacts, quand on n'a pas l'argent pour se faire avorter illégalement, que ça devient problématique. Mais il y a aussi toute une mouvance de la gauche polonaise ou des classes libérales polonaises qui pensent que si on veut élargir ce mouvement, on peut pas être trop radical, que en fait les classes entre guillemets populaires sont très liées à l'Église et qu'elles n'adhéreront pas au mouvement féministe s'il est trop radical, s'il touche à aux droits reproductifs, à la non-hétéronormativité, etc. Donc il y a toujours eu un peu ces conflits et on est quand même dans une situation un peu surréaliste. C'est pas tellement simple en Pologne. Les méchants, les bonnes. Pas du tout. Pourquoi? Il y a 25 années, quand les communistes ont perdu, il y avait beaucoup de gouvernements en Pologne. Les gauches, les droites, même les gauches qui étaient anciens communistes, n'est-ce pas? Mais chaque gouvernement, chaque, était contre les femmes. Pourquoi? C'est bizarre, mais c'est le gouvernement de gauche qui a mis le droit contre l'avortement. C'est dingue. C'était pendant que Miller était le premier ministre. C'était 94, ancien communiste. 13. Mais c'est la gauche qui a mis. Vraiment, c'est honte. Mais pourquoi c'est comme ça que la gauche fait la même politique contre les femmes? Parce que la Pologne, c'est ma opinion, le pouvoir en Pologne est divisé en deux. C'est la mafia politique, bien sûr masculin. Et deuxième partie, c'est l'Église catholique qui est misogyne horriblement. C'est le misogyniste pur. Et les femmes sont comme dans l'étau qui se ferme sur elles. Et cet étau, ce sont des bras. Et ces deux bras se vendent que c'est le bras qui entoure avec la tendresse les femmes, parce qu'elles sont stupides, elles ne savent pas qu'il est bien pour eux. Même en France, dans les années 60, on a dit aux femmes que si le droit pour l'avortement sera libre, les idiotes vont s'avorter avant d'aller au ski. Et on pense aussi, les femmes sont stupides parce que l'Église sait mieux, aussi les politiques savent mieux. Mais enfin, je pense qu'il faut vraiment pas sous-estimer le rôle de ce mouvement enfin, féministe avant Czarne Protest, c'est-à-dire que ce mouvement n'aurait pas été là, la question de l'avortement était vraiment perdue dans ce pays. C'est-à-dire que ce qui s'est passé au milieu des années 90 avec ce soi-disant compromis et le traitement médiatique qu'on en a fait nous a vraiment mis dans une situation où effectivement cette loi, qui est quand même une des lois les plus restrictives d'Europe, a été considérée à partir du début des années 2000 comme un compromis tout à fait raisonnable dans la question de l'avortement. Et il n'y aurait pas eu ces ONG, ces mouvements un peu radicaux et cette manifestation du 8 mars organisée, je pense qu'on n'aurait pas eu la base idéologique et quand même, disons, un noyau de personnes qui ont réfléchi pendant toutes ces années à la question de l'avortement, qui l'ont porté et qui quand même, sans elles, je pense que ça aurait été dur d'organiser cette manifestation. Et je pense aussi que le travail fourni par le comité Sauvons les femmes pour récolter ces signatures, c'est non seulement un travail d'organisation et qui est tout à fait exceptionnel, mais je pense que, enfin, pour convaincre autant de femmes, enfin autant de personnes en Pologne de signer une pétition, enfin un projet de loi pour la libération de la loi contre l'avortement, il faut discuter avec elles. Et je pense que ça a été un travail préparatoire pour les manifs du 3 octobre. Qu'on peut-être on voit pas forcément, mais je pense que vraiment toutes ces heures passées dans la rue à convaincre les gens de signer ça, je pense que ça a vraiment préparé le terrain pour cette manifestation. Mais ce qui s'est passé le 3 octobre, ça dépasse complètement au niveau des classes sociales, des groupes sociaux représentés, mais aussi des idéologies, le mouvement féministe polonais. Ça c'est pour moi c'est sûr. Quand je crée le Parti des femmes, quand nous n'avons pas d'argent, nous avons les astuces, l'esprit. Alors, nous sommes déshabillés, à poil, et nous avons fait les billboards. Pendant publicitaire, parce que nous n'avons pas d'argent pour ça. Bien sûr, on a dit que nous sommes les putes, que nous avons détruit le féminisme, parce que les pupes utilisent le corps féminin nu. Mais oui, pour les voitures, pour le chocolat, mais nous avons utilisé pour nous-mêmes. Et le slogan était « Nous n'avons rien ». À cacher, comme Monsieur Filon avec sa Pénélope. Et ça fait les bagarres. On a montré notre panneau partout, chaque télévision, même en Russie, à Los Angeles. Après, c'est une formidable femme, dziewczyny z wiankami, La femme jouait aussi avec la nudité. Pourquoi? Parce que ce sont les femmes de l'Europe l'Est, faibles, pauvres, avec pouvoir masculin. Elle jouait avec ça, formidable. Il y avait une telle force, en fait, de ces femmes qui étaient venues là, que quoi que fassent les gens sur la scène, en fait, c'était... Voilà, cette force était tellement sensible et c'était tellement calme et viscéral, enfin, que ça, c'était irrécupérable. Après, quand j'ai vu donc l'édito du plus grand quotidien polonais, donc de mouvance libérale quand même, Gazeta Wyborcza, qui donc le lendemain, le 4 octobre, avait toute son édition du 4 octobre consacrée au Czarny Protest, donc à la manifestation noire. Donc en première page, commence par la phrase « ça n'était pas seulement une manifestation de femmes ». Il faut dire que c'était une édition faite complètement par des hommes, puisque les femmes faisaient la grève et étaient à la manif, mais on a quand même le sentiment d'une incompréhension totale. Enfin, moi, quand j'ai lu ça, je me suis dit, mais enfin, ça va jamais marcher. Enfin, moi, j'avoue que j'étais dévastée quand j'ai lu ça. Cela dit, deux jours après, les députés de PiS ont rejeté le projet de loi contre lequel on a protesté. C'est la seule fois, depuis que le PiS est au pouvoir, qu'il fait marche arrière sur quoi que ce soit. Et cette mobilisation est quand même principalement une mobilisation féminine. Le fait qu'on soit arrivé, même avec tous ces différences idéologiques, à faire une grève, qui a quand même été une grève de 1 million de personnes dans ce pays, ce qui n'est pas arrivé depuis le début des années 80, pour moi, c'est un truc de femme. tout le monde a fait un effort, toutes les organisations féministes, même Razem. Personne n'a osé ou n'a voulu vraiment dire « Ah, le 3 octobre, c'est nous », avoir la paternité de ce truc, ni la maternité de ce truc. Voilà, sauf les hommes. Au planning familial de Varsovie, un numéro vert propose des discussions anonymes avec des spécialistes. Aujourd'hui, Anna, la sexologue. Dzień dobry. A stosunek był w 2014? No to nie, to z pewnością nie jest pani w ciąży. Ale to też jakby nie wygląda dokładnie tak samo jak miesiączka. Jasne. Proszę, do widzenia. To było bardzo dobre. Czasami też są mi takie. Tak. C'était une fille qui avait fait l'amour en 2014 et qui se demandait si elle était enceinte. Więc czasami to są, myślisz, dowcipy? Czy to myślisz, że to był dowcip na przykład? Nie. W tym wypadku nie, bo rzeczywiście... Rzeczywiście czasami jest tak, że po prostu ludzie żyją w tak dużym strachu. Ça dépasse l'entendement et que même très longtemps après le rapport et même après avoir eu leurs règles et même quand tout va bien, elles peuvent continuer en fait à être obsédées par l'idée d'être enceinte en fait. Donc elles peuvent appeler, c'est pas une blague en fait, c'est vraiment une vraie question qu'elles se posent. Że ludzie cały czas o tym myślą. Nawet mogę powiedzieć, tak jak w przypadku właśnie na przykład młodszych, teraz szczególnie młodych dziewczyn. Il y a une paranoia en fait autour de la grossesse. Całe to życie surtout chez les jeunes générations qui sont en fait totalement paranoïaques sur la question de la grossesse. Taką tendencję jak paranoja ciążowa. Czyli właśnie takie nieustanne sont persuadés que parce qu'il y a eu un attouchement ou parce qu'il y a une goutte de ceci qui peut-être à travers le pyjama au moment de... Enfin, des choses complètement irrationnelles les conduisent à cette pensée terrible, terrifiante d'être enceinte et surtout de devoir évidemment garder l'enfant. Myślę, że trochę tak jest to też od razu połączone trochę z tym wychowaniem takim religijnym, ponieważ... Niestety, ale w wielu domach jeszcze obserwujemy taką tendencję. Les adolescents sont victimes de deux choses. Effectivement, l'interdiction de l'avortement provoque en fait une situation encore plus tendue avec en plus l'éducation chrétienne. Zgodnie z prawem w Polsce ma donc la non-éducation sexuelle chrétienne, c'est-à-dire qu'en fait, jusqu'à l'âge de 18 ans, ils ne sont pas censés avoir de sexualité du tout. Bo do lekarza może pójść samodzielnie, tak na dobrą sprawę. Et comme l'avortement en plus est interdit, ils ont vraiment cette phrase en tête de parents qui leur disent, enfin qui les menacent en fait. Straszenie, czyli jeżeli viens avec un ventre, on va te jeter dehors. Oczywiście, bo właśnie na kobiecie ciąży odpowiedzialność, żeby to ona się zabezpieczyła, bo na przykład nie zawsze mężczyzna musi. Situation terrible pour les jeunes femmes et les femmes. Zabezpieczeń typu prezerwatywa, bo jest to niewygodne. Parce que elles sont les seules responsables en fait de la grossesse avant qu'elle n'arrive. Nie ma środków na to, żeby faktycznie pójść do lekarza. Donc elles doivent se protéger. Parce que l'homme va dire que le préservatif lui est pas agréable, donc il va refuser de le mettre, parce que c'est elle qui doit s'occuper des histoires de pilules, etc., et que l'homme ne le fera jamais. Et elles ne peuvent pas en même temps se refuser sexuellement à leur partenaire, parce que ce serait pris comme une rupture, en fait. Donc elles sont complètement coincées. Nie może odmówić mężczyźnie. Znaczy, to na pewno... En plus, la femme est élevée dans cet esprit de la mère polonaise, c'est-à-dire la figure de la mère polonaise qui va s'occuper de son mari, qui va s'occuper de ses enfants, qui va sauver la nation et qui peut-être, dans ses vieux jours, finira par penser à elle, est encore malheureusement très présente. Une sorte de mère sacrificielle. Téléphone zaufania, słucham. Halo? Tac. Ok. Je vois sur ce tableau plusieurs petits papiers affichés avec des petits, c'est des, comme des espèces de post-it, petites annonces affichées qui en fait proposent diverses informations pour les cas de femmes enceintes qui veulent avorter. Ces numéros, en fait, à ces numéros, quand on appelle, les personnes peuvent donner vraiment une information précise sur qu'est-ce qu'il faut faire en cas de grossesse non désirée et éventuellement procurer des médicaments de l'étranger contre rémunération. Elles ont un site internet aussi. Et donc il y a un autre petit papier qui s'appelle Tchotcha Bacha, c'est-à-dire Tata Bacha ou Tante Bacha, entre parenthèses Allemagne, des volontaires aidant les Polonaises qui arrivent en Allemagne pour se faire avorter, qui proposent un des avortements pour 150 € pharmacologique ou 170 € chirurgical. Et là, il y a une page Facebook, un mail, un téléphone. Alors, Tchotcha Bacha a été créé il y a à peu près 2 ans par un groupe de jeunes activistes, militantes polonaises qui vivent ici à Berlin, qui ont décidé, en fait, au vu de la situation de plus en plus catastrophique des femmes en Pologne par rapport au droit à l'avortement, Aurélia Kaliski. Donc de faire quelque chose. Et donc le projet est d'aider ces femmes à passer la frontière et à venir avorter ici, dans une clinique avec laquelle nous travaillons régulièrement, mais aussi une équipe de gynéco, une psychologue aussi également, pour donc les aider dans cette situation difficile. Alors on leur propose une intervention soit chirurgicale, soit la pilule abortive, soit à leurs frais, soit nous pouvons également les financer pour celles qui rencontrent des trop grandes difficultés financières. Donc ça a été créé il y a 2 ans en s'inspirant du travail d'une autre association qui elle existe depuis 99 qui s'appelle Women on Waves et Women on Web, qui est une association néerlandaise. Alors c'est pas du tout une association qui a un statut légal, c'est pas l'équivalent de la loi 1901, hein. Enfin ça existe aussi en Allemagne, hein, la loi 1901, mais nous on est juste une espèce d'organisation informelle, hein, parce que finalement en fait on se déplace aussi dans un espèce de flou juridique, hein. En Allemagne l'avortement aussi est toléré, hein, mais c'est absolument pas un droit au même titre que ça peut l'être en France. On a souvent vu des petits flyers de Tchotcha Bacha à Varsovie, un peu dans les lieux dans lesquels on était, avec le numéro de téléphone en Allemagne. Et donc, en fait, il suffit d'appeler ce numéro et donc la prise de contact se fait comme ça. Ouais, tout à fait. Alors, les femmes nous contactent donc soit par ce téléphone, soit par Facebook. Se posent maintenant, il faut le dire, de plus en plus des questions de sécurité. Donc, on a même eu notre organisation, on a fait un petit stage pour apprendre à crypter nos informations, nos mails et tous nos contacts, parce qu'en fait, on met évidemment en danger notamment nos contacts en Pologne, puisqu'on peut être passible d'une peine de prison même et d'une forte amende si on aide quelqu'un à avorter ou si on procure à quelqu'un la pilule abortive. Donc voilà, alors les femmes nous contactent par Facebook ou par téléphone, et parfois elles sont dans des situations dramatiques. Donc on leur conseille d'en parler à une personne proche si c'est possible, et puis sinon, le plus vite possible, on organise les rendez-vous ici et on les fait venir. La plupart du temps, donc, c'est pour 3 jours, mais ça peut aussi être plus long. Mais les 3 jours, en fait, c'est les 3 jours minimaux pour avoir les différents rendez-vous, hein, l'entretien avant la première prise de pilule abortive ou la première échographie pour dater exactement la grossesse, puis ensuite jusqu'à l'intervention. Le tout, donc, se fait entre 3 et 5 jours. Avec l'Allemagne et la Pologne, ça a été fait entre Tchotcha Bacha et Women Help Women. Été 2015, des drones sont partis de Francfort sur l'Oder, qui est donc tout près de la frontière polonaise, et avec donc un chargement de pilules abortives, de misoprostol, pour le faire passer en Pologne. Et les gens, comment dire, savaient où les drones allaient arriver? Bah voilà, sur place, il y avait des contacts qui étaient au courant. Alors, je sais que, par exemple, en Irlande, c'est souvent extrêmement délicat parce qu'on est déjà sous le coup de la loi si on a, pour ainsi dire, la pilule entre les mains. Ça peut déjà être compliqué, en fait, de la récupérer. En Pologne, c'était quand même moins légiféré encore, au moins en 2015. Maintenant, je pense que ça va devenir de plus en plus difficile. Mais donc, oui, il n'y a pas eu de problème. Elles ont pu être récupérées, oui. Nous avons cherché quelqu'un pour nous parler d'Irena Krzewicka, activiste féministe et femme de lettres de l'entre-deux-guerres. Peu de gens la connaissaient. Anna Samson, psychologue et journaliste, pense que cette figure méconnue a beaucoup à transmettre. Zmowa mężczyzn. 12 przysięgłych, 3 sędziów, 2 prokuratorów, 3 obrońców, biegli, protokolanci, stenografowie. Pośród nich kobieta. Zmartwiała i nieruchoma, bez krwi w twarzy, pocierająca czasem nerwowo 2 palce u dłoni. Nie wchodzę w tej chwili w sprawy winy czy niewinności Gorgonowej, ale muszę powiedzieć, że ta gromada triumfujących mężczyzn, otaczających koliskiem złamaną kobietę, jest widokiem niezmiernie przykrym. Jest optycznie prawie nie do wytrzymania. On vient d'entendre un fragment d'un texte de Irena Krzywicka, qui décrit une salle de tribunal avec une accusée et tout le tribunal qui n'est composé du juge au sténographiste que d'hommes. Et sans entrer dans la question de la culpabilité ou du manque de culpabilité, juste la scène qui oppose cette femme à tous ces hommes semble insupportable à Irena Krzywicka. To ja bym najbardziej chciała powiedzieć przy tej okazji, to jak ten kawałek jest aktualny. On pochodzi z reportażu sądowego, bo między innymi... Krzywicka parmi d'autres choses faisait aussi des reportages au tribunal et cette image qu'elle nous donne du tribunal, c'est une image qui est très actuelle, qu'on peut voir encore aujourd'hui dans les salles de tribunal. Nie wiem, krążą... I to, o czym chciałam powiedzieć, że to, co oburza dzisiejsze... Pour moi, ce qui est important et ce qui est insupportable pour nous, les femmes, les féministes aujourd'hui en Pologne, c'est de voir que ce sont toujours les hommes qui s'occupent et qui décident des affaires des femmes. Il y a cette image récente de Trump qui, quand il signe la loi avortement aux États-Unis, n'est entouré que d'hommes. Irena Krzywicka żyła bardzo długo. Natomiast ta Irena Krzywicka, elle a vécu très longtemps, mais sa période d'activité intellectuelle la plus importante et ses œuvres les plus importantes pour moi, c'est dans les années 20. I sprawa Gorgonowej polegała. Ce procès particulier, c'est le procès donc d'une femme dont la belle-fille a été tuée. Assassinée. Donc cette femme Gorgonova, c'est donc sa belle-mère, c'est-à-dire la partenaire de son père. Les relations entre elles n'étaient pas très bonnes. Et donc on a directement soupçonné que c'était elle la coupable. A priori, on sait maintenant que c'était vraiment un procès forgé sur la base de soupçons et pas sans preuve et qu'il s'agit probablement d'une erreur judiciaire et qu'elle a été condamnée injustement. Skazanie jej było niesłuszne. Przeciwko temu, że ojciec. Dans le cas dont on parle, on a donc le père qui est, parce qu'il est le père et parce qu'il est un homme, traité comme un père idéal, et sa partenaire informelle, évidemment ils ne sont pas mariés, qui, parce qu'elle est sa partenaire informelle, est dès le début traitée comme une personne qu'on peut soupçonner de mœurs douteuses, parce que c'est une femme et que pour elle, c'est un facteur dégradant d'être dans une liaison informelle, alors que ça ne l'est pas pour le père. Także ta sprawa Gorgonowej mam poczucie, że jest dobra. Effectivement, ce cas de Gorgona, c'est un très bon cas pour comprendre Krzywicka, déjà parce qu'il montre effectivement très bien la différence de situation et de position entre les hommes et les femmes, comme elle existait alors et comme elle existe, je crois, encore aujourd'hui. Mais ça montre aussi à quel point vraiment Krzywicka avait cette espèce de sensibilité, de radar à l'inégalité entre les hommes et les femmes. Elle avait une sensibilité à ces inégalités et comment elle les percevait de manière vraiment très vivante et à quel point elle était du côté des femmes dans cette situation. Qui est Irena Krzywicka pour la Pologne d'aujourd'hui? Je ne sais pas trop par où commencer. L'image de Irena Krzywicka dans la société polonaise, et quand j'ai commencé à la lire, c'est l'image que j'ai découverte. C'est l'image d'une scandaliste, d'une provocatrice. Sa biographie par Agata Tuszyńska s'appelle aussi Histoire d'une scandaleuse. Et c'est effectivement l'image qu'en ont les Polonais, mais qu'elle a voulu elle-même donner. Pourquoi est-ce qu'elle-même se qualifiait de scandale et de provocatrice? Pourquoi est-ce qu'elle travaillait contre elle-même, en fait? Nie wiem, na ile tak naprawdę chciała mieć taki obraz siebie, na ile, bo te wyznania gruszycielki, no pojawiły się już tam powolnie. Elle voulait vraiment avoir cette image de provocatrice ou de personne qui scandalise la société. Son autobiographie est sortie bien plus tard, dans les années 20-30, où elle était la plus active. Je dirais vraiment qu'elle avait elle faisait cet effort pour être très factuelle, très précise. Et vraiment, ce qu'elle écrivait avait un but précis. Ça démasquait des inégalités, des injustices, des processus sociaux qui existait vraiment dans la réalité, mais qui évidemment était difficile à accepter pour ses contemporains. De l'histoire polonaise que vous avez pu aborder, comme celle de Vera Gran ou celle de Irena Krzywicka, est-ce qu'on peut peut-être se dire que ces femmes polonaises, en l'occurrence juives polonaises, sont quand même caractérisées par ce danger qu'elles courent sans arrêt en tant que femmes et en tant que juives, et que du coup, ça les pousse à penser la condition féminine plus que les autres? Oui, bien sûr. Irena Krzywicka, c'était un personnage extraordinaire. J'ai fait sa connaissance à Paris. Agata Tuszyńska, très jeune. Écrivaine. Elle était très vieille. Je pensais qu'elle devait être déjà morte parce que elle était liée avec Tadeusz Boy Jeleński avant la guerre, dans les années 30. Alors je me suis dit, c'est impossible qu'elle est toujours vivante. Elle était presque aveugle, et c'est pour ça que quelqu'un m'a demandé d'écrire avec elle ses mémoires, de parler avec elle et puis écrire tout ce qu'elle a à dire. Aussi, elle m'a frappée parce qu'elle était mariée avec un jeune avocat, elle avait des enfants, et elle était en liaison avec quelqu'un qui était son maître, Tadeusz Boy Jeleński, le médecin, le traducteur. Il était 25 ans plus âgé qu'elle. Alors, pour moi, cette liaison était quelque chose de très, très intéressant, aussi très courageux. Mais voilà, Krzywicka, c'était quelqu'un qui m'a appris comment vivre. C'est peut-être c'est trop simple, mais elle me disait que dans la vie, il faut... Ce qui est le plus important, c'est la création. Il faut créer. Il y aurait une figure de la femme polonaise, sombre et révélatrice. Comme si ces femmes étaient un peu les caisses de résonance, d'ambivalence et de compromission d'une société tout entière. L'une d'elles est Vera Gran, chanteuse du ghetto de Varsovie. Agata Tuszyńska s'en est emparée. Vera Gran, c'est autre chose, parce que Vera Gran, j'ai fait sa connaissance aussi à Paris, grâce à Irena Krzywicka d'ailleurs. Alors, Vera Gran, j'ai entendu parler qu'il y a une chanteuse des ghettos à Varsovie qui vit à Paris, une chanteuse collaboratrice. Alors je me suis dit, tiens, qu'est-ce que ça veut dire? Collaborer comme chanteuse dans le ghetto de Varsovie. Et c'est pour ça que je téléphonais pour la première fois à Vera Gran, et pour ça que je décidais de l'interviewer pendant des mois, pour finalement comprendre pourquoi une femme belle, jeune, très douée, avec une voix extraordinaire, qui a chanté dans le ghetto de Varsovie, avait été accusée de collaborer avec les Allemands. Pourquoi un homme qui a fait presque la même chose dans le même café, Stuka, le café L'Art, dans le même ghetto de Varsovie, je parle de pianiste, son accompagnateur Władysław Szpilman, qui lui aussi l'a survécu, et personne n'a pas dit qu'il a collaboré. Pourquoi une belle femme qui a survécu, on la nomme une collaboratrice, un homme, ah ben un homme, il a survécu, il est un héros. Pourquoi? Qu'est-ce qu'elle a fait, cette pauvre, cette belle, douée, extraordinaire femme? Ça l'a complètement massacrée. Elle a survécu, mais c'était même pire, tout ce qui se passait avec elle après la guerre, c'était même pire. Elle est accusée de collaborer avec les Allemands, avec tout ce qu'ils ont massacré, sa famille et tous ses proches. C'était incroyable. Eh ben, je me suis dit, il faut en parler de la signification des mots collaborer. Qu'est-ce qu'elle a fait? Elle voudrait survivre, elle voudrait travailler. Elle ne savait que chanter. Alors elle a chanté, elle a décidé de rester dans le ghetto, entre le mur des ghettos de Varsovie, pour chanter, pour gagner de l'argent pour ses proches, et aussi pour donner les heures ou les minutes même d'oubli pour ses écouteurs. Oto wieśniwam wciąż, kiedy tango nocturno cicho brzmiało z oddali, niosąc tęskną swą pieśń. Me serce biło tak, czułam, że tango. Elle était chanteuse. Elle a quitté la Pologne en 1950 et elle est allée en Israël. Et ben, ils n'ont pas voulu elle là-bas. Ils ont dit, les Juifs, plutôt les Juifs polonais qui connaissaient Vera Gran d'avant la guerre, ils disaient, vous avez chanté pour les Allemands, vous avez chanté dans les ghettos, vous ne pouvez pas chanter maintenant pour nous en Israël. Ben, ils ont chassé d'Israël. Zrozumiałam dziś, że to tango notturno. Tout le monde savait qui était le pianiste, le fameux Szpilman. Mais c'était grâce à Polański qu'il était connu. C'était pas parce qu'il était vraiment très important pour le ghetto ou pour la Pologne. Oui, je pense que ces femmes sont vraiment... ils ont ce côté qui est extraordinaire, sombre, aussi complexe. Aussi, Krzywicka, pour moi, c'était un personnage extraordinaire de l'époque, parce que en la tenant par la main, je pourrais m'imaginer Varsovie des années 20 et 30, et tout ce qui se passait ici dans le cercle littéraire, artistique, dans les théâtres, dans la rue, dans les cafés littéraires, Ziemiańska, etc., etc. Les discours sur l'art, l'histoire, aussi le féminisme, tout ce qui ça veut dire, qu'est-ce que ça veut dire d'être une femme contemporaine. C'était Krzywicka qui m'a raconté ça. Après la guerre, quand elle était vieille, etc. Mais en la tenant par la main, métaphoriquement, ou pas métaphoriquement d'abord, je pourrais entrer dans ce monde. Et la même chose avec Vera Gran. avec elle, je me suis plongée dans le monde des ghettos de Varsovie, avec une chanteuse qui était une star dans le ghetto de Varsovie, et je me suis dit, mais comment ça s'est passé? Je voudrais comprendre qu'est-ce que ça veut dire d'être une femme dans la situation de la guerre, des ghettos, etc., de s'en sortir, et puis vivre encore 50 ou 60 ans avec les stigmas de la collaboratrice. Agata Arashkevich a participé au séminaire phare de la vie intellectuelle varsovienne qui, sous l'égide de Maria Janion, a analysé les canons littéraires polonais et en particulier la figure de la femme polonaise Matka Polka, la mère polonaise, sacrificielle, héroïne de sa nation en danger. Agata a rencontré dans sa trajectoire intellectuelle une sœur, la poétesse Zuzanna Ginchanka, à l'œuvre fulgurante. Moi, j'ai commencé à travailler sur Ginchanka dans les années 90, vers la fin des années 90, quand j'étais au séminaire de Maria Janion. C'était donc un séminaire culte de l'époque où, on va dire, il y a eu beaucoup de femmes qui ont travaillé sur certains sujets, surtout littéraires, et qui aussi a commencé à travailler plus sur l'identité féminine ou la subjectivité féminine dans la littérature. Et tout ça a commencé dans les années 90. Donc j'ai eu de la chance aussi de travailler sur ce sujet dans ce moment-là. Alors Ginchanka, c'est une poétesse polonaise des années 30 du XXe siècle, donc d'avant Deuxième Guerre. Elle s'appelait Zuzanna Paulina Ginzburg. Elle est née près de Kiev et elle a passé son enfance à Rovnovoïsk, donc c'était un petit village sur le territoire aujourd'hui d'Ukraine. Mais à l'époque, c'était le territoire polonais qu'on appelait le Confin. En fait, elle est là, elle est revenue, donc elle est dans le canon de la littérature polonaise, parce que c'est un personnage fort qui est reconnu comme tel. Mais si elle entre dans le canon, elle change le canon. Elle change la façon dont on parle notre identité nationale, comme on pense notre identité de la littérature polonaise. Et ça, malheureusement, surtout avec le nouveau pouvoir, c'est à nouveau pas facilement admissible. Alors le premier poème qui m'a vraiment marqué, c'était le poème qui s'appelle « Sur les centaures » au Centaurach, où elle parle justement des figures des centaures, mais aussi des centaresses. Donc il y a des centaures hommes et femmes, et ils sont divisés entre tout ce qui est féminin et masculin, entre tout ce qui est intellectuel et corporel. Elle écrit « Oto głosze namiętność i mądrość ciasno w pasie ściśniętą jak centaur ». Donc elle dit « Tout ce qui est important dans notre perception, c'est à la fois tout ce qui est intellectuel, mais aussi tout ce qui est corporel, matériel. » Donc, elle fait une sorte de philosophie à l'inverse, on va dire une philosophie féministe, où elle essaye de sortir de cette vision rétrograde du corps ou de sexualité féminin vers un nouveau projet qui soit complètement différent. Il y a un autre vers qui s'appelle « Mais » et qui parle justement des filles qui sont... elle parle des filles qui sont fermées dans le salon, dans des conversations très strictes, très réglées, et qui sont herméneutiquement fermées dans leurs robes. Mais ce que je veux dire, que dans sa poésie, on voit bien cette conscience très explicite et très travaillée de ce sujet féminin envers sa condition de femme, mais aussi envers la condition politique et envers le monde politique qui s'installe très pessimiste. Mais il y a eu cette légende d'elle en tant qu'une si belle femme inaccessible, parce que c'était quelqu'un qui n'était pas très en faveur avec les avances masculines. Et il y a beaucoup, dans les récits des hommes, il y a beaucoup de descriptions des avances qui ont été rejetées, etc., etc. Elle était lesbienne, tu penses? Non, pas du tout, mais elle était très... je pense qu'elle ne s'est pas prêtée au jeu facilement, parce que ce qu'elle dénonçait, c'était justement... qu'en étant une femme jouant avec la sensualité, on peut vite devenir un objet sexuel, et qu'elle ne voulait pas ça, parce que toute sa philosophie dans la poésie, c'était de faire changer le monde, donc de faire changer tout le stratagème de pensée. Donc de sortir, en fait, d'exploser un peu ce cliché de belle juive. Et cette tentative-là est très forte dans la poésie, mais j'ai l'impression que ça n'a pas vraiment été écouté, que ça n'a pas vraiment été reconnu. Mmh. Et d'ailleurs, je pense que les proches d'elle, les poètes qui ont entouré, ont en plus lu le corps de Ginchanka et pas son texte. Puisque son texte est très sensuel, très révélateur, alors on lisait plus facilement le texte de son corps que le corps de ses textes. On va dire que chez elle, tout ce qui est intime est politique. Alors c'est un peu le slogan de féministe de deuxième vague. C'était une très jeune femme, elle s'est fait tuer à 27 ans. Et il y a un témoignage d'un autre poète, Mieczysław Jastrun, qui lui a rendu visite à Lwów, où elle parle « Tylko szczęście z prawdziwym życiem trzeba mieć szczęście, by przeżyć ». Elle lui dit ça et il dit « Je gardais ça dans ma tête pendant toute la guerre afin de survivre ». Il faut avoir la chance pour survivre, seulement la chance et le bonheur, c'est la vraie vie. Parce qu'en polonais, la chance et le bonheur, c'est le même mot. Et il faut dire que donc, quand elle s'est fait dénoncer à Lwów, elle écrit un poème, et c'est ce poème-là qui va rester comme un poème le plus connu d'elle. Donc, si on parle de Ginchanka, même après la Deuxième Guerre, et même quand elle revient un petit peu dans les années 90, elle est vraiment l'auteur d'un seul poème qu'on dit que c'est un chef-d'œuvre, qui s'appelle Non omnis moriar, et qui parle justement de sa dénonciation. Et on va dire que c'est le poème où elle se dénonce elle-même. Elle parle de la femme qui l'a dénoncée, qui était donc une concierge dans la maison où elle s'est cachée. Mais elle fait ça avec une grande ironie. Donc, en parlant de sa femme, elle dit « Oui, prends tout ce qui est à moi, prends tout ce qui est juif, prends mon identité, etc. » Et comme elle s'il disait « Oui, je voulais devenir poète polonaise, mais c'est impossible, donc je renonce à tout. Je vais vers le néant extatique. » Et donc, c'est une sorte de poème qu'on va dire, comparant à Horace qui décrit « Non omnis moriar », puisque la poésie va devenir mon monument en pierre. Elle dit « Alors, je ne vais même pas avoir un monument, je ne vais avoir rien. Il n'y a rien qui reste après moi parce que mon geste ne peut pas du tout être accepté. Tu vois, je ne peux pas même rester dans la langue, dans cette langue polonaise, parce que c'est cette langue polonaise qui me dénonce pour je ne sais pas quel genre de profit. D'ailleurs, elle cite le nombre de profits, soi-disant, qu'on peut avoir des juifs, des stéréotypés comme des draps, des nappes, des bougeoirs. Tous ces objets-là ont sa place dans son poème. En fait, elle dit non au plus grand héritage littéraire polonais qui est l'héritage romantique. Oui, je pense qu'elle dit non au plus grand héritage polonais qui est l'héritage romantique, mais elle dit non aussi au plus grand héritage européen qui est cette promesse qu'on peut être sauvé par la littérature ou par la pensée intellectuelle. En fait, donc, c'est une reconnaissance très sombre et très amère de l'Holocauste. C'est la leçon, en fait, de cette poésie-là à retenir aujourd'hui. Parce que si on a la nouvelle démocratie qui s'installe après 89, qui devient, en fait, un système de pouvoir très conservateur, et que c'est une démocratie qui ne prend pas en compte la défense des minorités, on a un problème. Et ça veut dire que la leçon de Ginchanka n'est pas apprise, n'est pas comprise, n'est pas digérée. Alors, ça donne rien, on ne comprend plus rien. Et donc, le canon littéraire polonais reste pure, et puis il n'y a aucun problème là-dessus, aucune dynamique minoritaire qui se crée et qui fait qu'en sorte on pourrait quand même élargir notre pensée et puis voir, même dans notre tradition à nous, qu'on a des propositions de prendre en compte, d'élargir notre façon de penser, intellectuellement et après politiquement. Anna Samson. Jest taki słynny tekst Zmierzch cywilizacji męskiej. Il y a un texte de Krzywicka dont le titre est Le crépuscule de la civilisation des hommes, où elle explique que cette civilisation masculine devrait se finir, que l'introduction d'une civilisation plus féminine, comme l'inconscient des hommes les pousse à la guerre, à la lutte, et que l'inconscient des femmes tournait vers l'amour, vers la maternité, et que ce serait vraiment un grand changement culturel et un changement du monde si ce changement de civilisation pouvait advenir, et que ce serait vraiment la fin du patriarcat. Et que justement, ça ne pouvait pas être seulement une égalité des femmes dans un monde créé, dirigé par les hommes. Mais Krzywicka, elle dit, peut-être pas directement, mais vraiment on peut le lire dans ses textes, elle dit que le fait d'avoir des enfants, c'est pas une faiblesse, c'est pas un handicap, c'est pas un défaut, mais c'est une constituante du fait d'être femme. On peut peut-être même lire chez elle le fait qu'elle pense que les femmes sont meilleures que les hommes, supérieures aux hommes, et qu'en aucun cas, en tout cas, on peut considérer ça comme, voilà, comme un défaut, une faiblesse. Et nous avons du mal à nous imaginer vraiment un monde différent. C'est-à-dire, nous disons, voilà, c'est comme ça qu'est le monde, c'est comme ça qu'est la société, c'est comme ça qu'est le marché du travail, et nous n'arrivons pas à aller plus loin que cette vision d'une société dominée par les hommes. Et c'est vraiment, pour moi, essentiel dans la pensée de Krzywicka. Quand est-ce que c'était ? Dans les années 20, dans les années 30, elle voyait déjà ce problème, que l'égalité entre les hommes et les femmes ne consiste pas à ce que les femmes aient les mêmes droits que les hommes, les droits que les hommes avaient déjà depuis longtemps, comme le droit à l'éducation, mais vraiment à introduire le problème des femmes, la pensée des femmes dans la sphère publique et à changer le monde de cette manière. J'ai l'impression qu'on est moins conscient même aujourd'hui de l'importance de cette évolution qu'on ne l'était à l'époque de Krzywicka. Mais je pense que ce qui est vraiment essentiel dans le fait qu'on ait oublié, marginalisé la pensée et l'œuvre de Krzywicka, c'est le fait qu'elle était une femme et que c'est vraiment le facteur essentiel. Je sais où je vis, comment est mon pays. Qu'est-ce que c'est la hypocrisie et le prix d'être libre? Et ça me donne l'énergie aussi. L'énergie d'être contre. Manuela Gretkowska. Même si je suis seule, je vis seule à la campagne. Je ne suis pas du tout dans le milieu, comme je dis, littéraire. Je suis avec mon mari. Je suis mariée une année. Depuis un an. C'est le père de ma fille, elle a 16 ans maintenant. Je crois que même mon pays est en détresse. Je suis heureuse parce que je vois que le progrès va venir. Ce n'est pas la fin de la Pologne, mais c'est un bon moment pour apprendre. Pour apprendre que la démocratie moderne, c'est les femmes et les hommes ensemble. Le jour quand la liberté va venir, que ce pays va se terminer, si de nouveau, on va créer la Pologne comme avant, ça sera désastre pire, parce que la droite va venir encore une fois. Ça sera la fin. Et nous avons la chance maintenant d'apprendre quelque chose, créer la Pologne vraiment démocratique. C'était Les Scandaleuses, troisième épisode de la série La liberté ou la liberté, contour du féminisme polonais. Avec Manuela Gretkowska, Anna Blumstein, l'équipe du planning familial de Varsovie, Aurelia Kaliski, Anna Samson, Agata Tuszyńska, Agata Araszkiewicz. Avec la voix d'Agata Czarnacka, Anna Blumstein. Coordination, Marie-Bona Bolivier et Perrine Kerbrand. Prise de son, Georges Thau, Alain Joubert. Mixage, Guillaume Ledu. Réalisation, Nathalie Battus. Une proposition de Johanna Grudzińska.